Si Dieu m'a mis. Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu, qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la belle église Kodesh, avec Sœur Simone Pierre. Sœur Simone Pierre est une Ghanéenne avec un cœur pour les francophones. Elle est aussi le pasteur principal de la belle église. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Sœur Simone Pierre. Même si tu ne vois que le contraire, vers ses vers. Merci pour la grâce que tu nous fais. Au nom de Jésus, prépare nos cœurs pour recevoir ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis. Wow. Dis à ton voisin, ne sois pas fatigué. C'est deux cultes en un. Ok, donc nous allons, c'est une fois, je ne sais pas combien de... En passant, une fois en passant. Donc il faut que vous soyez fort et courageux pour y arriver jusqu'à la fin du culte. Amen. Je bénis Dieu pour la vie des pasteurs. Merci beaucoup. Et je suis... Je dirais que je suis fière de vous parce que je me souviens de quand vous étiez venus à la belle église à Tessano. Vous trois, vous êtes entrés à l'époque de Tessano. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que ça soit ainsi, mais je crois que lorsque nous étions à Tessano, c'est là où on a vraiment expérimenté la main de Dieu sur la belle église. C'est là où on a grandi. Et on a... What's the past participle of croître? Cru? Hey! Hein? Hey, they don't know it. Past participle of croître. Cru. All right. D'accord. C'est là où on a grandi. On a poussé. On était devenus nombreux. Alléluia. C'est l'époque où on a vraiment expérimenté la croissance. Et Dieu nous a montré sa grâce, son amour, sa miséricorde. On est passé par beaucoup d'étapes. MSO, LP Maria, Pasteur Jeremy, Pasteur Sam était déjà avancé à Lighthouse quand il est venu à Tessano. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah mais qu'est-ce que tu fais ici? Parce que j'avais l'habitude de le voir sur l'estrade. Donc je savais qu'il chantait. Donc je lui ai dit, praise and worship. Amen. Ils ont tous passé par des moments. Et ce qui m'encourage, c'est que malgré les rebuques, les réprimandes, ils sont restés. Et même quand ils ont été offensés par vous les autres, pas moi, et ils voulaient quitter, ils sont restés quand même. Je me souviens quand j'ai fait un transfert, j'ai changé le ministère. À l'époque, je changeais souvent les ministères. Et j'ai transféré Pasteur Jeremy parce qu'il est aussi chanteur. Il est musicien, il aimait la musique. Je lui ai dit non, va à aide et administration. On dirait que je l'avais poignardé ou je ne sais pas, je l'avais tué. Il était vraiment triste, je sais, mais j'ai fermé les yeux, j'ai attrapé mon cœur et je lui ai dit non, tu iras à aide et administration. Aujourd'hui, il travaille à plein temps. Amen. Et je pense que c'est aussi parce qu'il a su comment accepter les instructions et juste obéir, même quand ils n'étaient pas d'accord. Maria a toujours voulu servir Dieu. Même quand elle n'était pas à plein temps, elle était toujours volontaire. Chaque ISI, chaque conférence, elle aidait dans le bureau de la première dame. Elle voulait toujours faire quelque chose. Et je ne suis pas surprise que tous les deux, aujourd'hui, ils sont des pasteurs à plein temps au sein de Lighthouse. God bless you. Merci d'avoir cru en mon appel aussi, d'avoir accepté de grandir à mes pieds. Aujourd'hui, vous avez ce que vous méritez. Donc, continuez dans la grâce qui vous est donnée et vous serez bénis. Et je sais que beaucoup seront bénis aussi au travers de votre ministère. Amen. God bless you. OK. Maintenant, nous allons prêcher. Alléluia. Toujours dans le livre de Art du ministère, je crois que c'est une bonne chose parce que servir Dieu, c'est le ministère. Amen. Et pour honorer les nouveaux pasteurs, je dirais ce que je dis toujours et je dis aussi pendant les cultes de mercredi, que maintenant que vous êtes pasteur, vous devez marcher de manière digne selon le titre, la position et l'appel de Dieu. Selon le titre, la position et l'appel de Dieu sur votre vie. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 1 dit: C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Je vous dis ce matin, ne perdez pas courage. Amen. Tout à l'heure, nous allons remettre des diplômes, des certificats aux bergers, à ceux qui ont terminé les cours du nouveau croyant, pour vous dire que Vous venez de commencer le ministère. Ne perdez pas courage. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez les pasteurs nommés. Un jour, ça pourra être vous. Amen. Ça pourra être vous, si vous avez le désir. Amen. Ne perdez pas courage. Même quand les moments seront difficiles, les choses seront dures, ne perdez pas courage. Parce que Dieu nous a donné un ministère. Alléluia. C'est pourquoi, ayant ce ministère, il y a